Micro ouvert. Un micro ouvert pour le lancement du hors-série d'Axel Magazine. Axel Magazine, qui est un magazine féministe belge hein, qui a 20 ans. Je l'ai appris lors de ce lancement du hors-série, de ce hors-série. Alors, c'était le 25 janvier 2018, c'était à la librairie Toulitou, mais pas vraiment. C'était aussi au café Chicago, rue de Flandre. Voilà, c'est plusieurs paroles de femmes poétesses qu'on va entendre. Il y a aussi les midis de la poésie. Enfin, voilà, il y a plusieurs... Il y a plusieurs personnes qui s'allient comme ça, qui font un partenariat plus conventionnel. Hein, le mot est plus conventionnel de dire partenariat. Mais donc plusieurs personnes qui se mettent ensemble, qui se donnent la main, qui s'allient pour résister. En tout cas, surtout pour mettre ce lancement, pour faire ce lancement de ce hors-série, je ne l'ai pas intitulé d'ailleurs, ce hors-série qui est sur le racisme en Belgique et la solidarité et les solidarités de femmes. Voilà, c'est parti, on va entendre Sabine Panet, qui est la rédactrice en chef, mais je pense que c'est bien expliqué par la suite. Moi, quand je parle un peu, là que vous m'entendez, c'est pour éclaircir un peu, parce que c'est vrai que sinon on arrive de but en blanc, comme ça on entend des gens, on ne comprend pas toujours bien. Donc j'ai essayé de contextualiser au mieux pour que vous puissiez bien rentrer dans cette histoire. Donc résumons, je le répète, c'est le lancement du hors-série d'Axel Magazine, qui est un magazine féministe belge, qui a 20 ans. Ça s'est fait le 25 janvier 2018, c'était à la librairie Toulitou. Toulitou, je ne sais pas si je prononce bien, à 1000 Bruxelles, rue de Flandre, mais pas que, c'était aussi au café Chicago, rue de Flandre, et c'est surtout alors de mettre à l'honneur des poétesses qui résistent hein, avec leurs textes, pas que les leurs d'ailleurs. Et il y a aussi les midis de la poésie, j'ai oublié de le dire, peut-être. À la librairie, comme ça on libère Fouad. Et l'idée aussi, c'est donc les consommations. Normalement, ici, le bar, il est fermé pour des histoires de permis d'urbanisme. Enfin, je ne vous passe ces détails de voisins chiants. Mais donc, l'idée, c'est qu'après la rencontre, nous allons boire à la santé d'Axel à la librairie. Et donc, Sabine distribuera à tout le monde un ticket. Donc, parce que donc, Axel Magazine offre gracieusement le premier verre. Voilà. Alors, je laisse la parole à Axel pour présenter ce numéro hors-série qui, une fois de plus, traite d'un sujet bien d'actualité. Merci, merci Ariane. Merci Fouad, merci Chicago. Merci Ariane. À la librairie Toulitou, on fait plein de choses avec Toulitou, c'est vraiment chouette. Donc merci Ariane de nous recevoir, même si c'est dans ton extension. Et donc voilà, oui. On n'entend pas. Oui, j'ai pas une voix qui porte, je vais essayer de parler fort. J'ai pas prévu de vous présenter hyper longuement le magazine. Il y a plein de gens ici qui savent ce que c'est Axel. On est un magazine féministe, édité par le mouvement Vie Féminine. On existe depuis 20 ans. En fait, ce mois-ci, on fête notre anniversaire. Ça fait tout juste 20 ans qu'on existe. Oui. On fera un numéro spécial sur nos 20 ans cet été. On est en train d'y travailler. Mais donc, on se retrouve ce soir autour de notre hors-série janvier-février, Racisme en Belgique, solidarité de femmes. Et donc, c'est un numéro, En fait, la plupart du temps, nos numéros sont des numéros mensuels. Et le numéro hors-série qu'on fait en hiver, c'est un numéro double qui nous demande beaucoup plus d'implication, sur lequel on travaille pendant quasiment une année, en proximité avec Vie Féminine, avec le bureau d'études, avec les femmes du mouvement, mais aussi avec des femmes de partout ailleurs, en Belgique et dans le monde, avec les journalistes, avec des personnes qui nourrissent notre magazine d'une façon générale. Je vais m'asseoir parce que je sors d'un lumbago, j'ai un peu mal au dos. Tu veux que ça ne dérange pas de tenir? Oui. Ah non, t'inquiète. Et donc, ce numéro, d'abord, il a été fait par une équipe de journalistes avec 53 personnes. Et c'est plutôt à ces 53 personnes que j'ai envie de penser ce soir. C'est qui ces 53 personnes? C'est 53 femmes, dont 3 hommes, qui ont témoigné pour ce numéro et qui nous ont raconté leurs histoires. Et je ne sais pas si beaucoup d'entre vous ont déjà lu ce numéro, mais c'est un numéro qui est assez chargé en émotions. Et donc d'abord, je veux vraiment remercier les 53 femmes et hommes qui nous ont fait confiance et qui nous ont raconté leur histoire en lien avec le racisme et avec les solidarités. La pitchoune. Et donc ce soir, il va y avoir... on a un partenariat dans le cadre du numéro avec les Midis de la Poésie. Et on a la chance d'avoir 4 autrices et poétesses. On dirait un vrai bébé, hein. Oui, c'est ça. On a la chance d'avoir 4 autrices et poétesses qui sont là ce soir et donc qui feront une déclamation, je ne sais pas, elles nous diront un peu. Et ça, ce sera tout à l'heure. Et puis, il y a aussi Afida Bachir de Vie Féminine et Sheima Guélène, du collectif Kaina, qui nous diront un petit mot sur le sujet du magazine, c'est-à-dire à la fois la lutte contre le sexisme, ce qui nous mobilise comme féministes, mais pourquoi est-ce qu'on a l'impression que c'est impossible d'être une féministe si on ne se mobilise pas aussi contre le racisme ? Et c'est vraiment dans cette réflexion-là qu'on l'a fait, ce hors-série, parce qu'on a l'impression qu'on est dans une société qui nous clive, qui nous dresse les unes contre les autres, et que, comme le dit l'avocate Selma Ben Khalifa dans ce numéro, elle est avocate et militante antiraciste, elle rêve d'une société, ça peut paraître complètement utopiste, mais elle rêve d'une société où chaque enfant, peu importe son sexe, sa couleur de peau ou son milieu, naît avec les mêmes chances. Voilà, ça, c'est le rêve qu'elle exprime dans ce magazine. Et on se rend bien compte qu'on n'arrivera pas à ça si on n'est pas unis. Mais on a aussi l'impression que c'est impossible de s'unir si on ne confronte pas, si on se confronte pas avec la réalité du racisme, en fait. Si on ne regarde pas le racisme dans les yeux et si on ne réfléchit pas collectivement au racisme, puisqu'il hiérarchise la société et qu'il divise la société. Il hiérarchise et il divise aussi les femmes entre elles. Et donc, on a eu vraiment envie d'aller au bout de ce processus de réflexion sur le racisme, sur le bain racisme dans lequel on est plongé en permanence, sur l'histoire de ce racisme, sur ses conséquences sur les vies des femmes aujourd'hui, sur la manière dont certaines femmes sont victimes de ce racisme et dont certaines autres femmes sont porteuses de ce racisme de plein de façons différentes. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça pour construire la société à laquelle on aspire? Et nous, à Axel, comment on peut raconter ces histoires qui sont racontées depuis très longtemps, mais que peut-être qu'on n'avait pas entendues avant, ou qu'on n'entendait pas avant, ou qu'on n'écoutait pas assez avant? Et donc on s'est posé toutes ces questions et on a abouti à la réalisation de ce magazine qui est aussi fort axé sur les solidarités, qui est d'abord, pour nous c'était aussi une façon de voir, et je pense que Shaima nous en parlera aussi, les solidarités c'est d'abord les femmes concernées elles-mêmes qui ont beaucoup de choses à raconter là-dessus, sur ce qu'elles font, qu'est-ce qu'elles font depuis très longtemps, et c'est pas juste un sujet actuel, c'est aussi un sujet historique. Pour résister collectivement au racisme et trouver des solutions pour tout simplement vivre ensemble, c'est déjà se confronter avec cette réalité du racisme de tous les points de vue différents. Et donc c'est ça qu'on a essayé de montrer dans le magazine. Désolée, en plus j'ai la gorge super sèche, donc je commence à plus du tout arriver à articuler. Sabine qui boit. On la voit pas, mais... Donc voilà, je ne vais pas encore parler des heures du numéro. Il est à votre disposition si vous voulez chez Tulitu et je serai heureuse de répondre à plein de questions après si vous voulez. On peut en discuter informellement autour d'un verre. Si vous avez des questions sur Axel ou sur certains articles du numéro, voilà, n'hésitez pas à venir m'en parler. J'ai plutôt envie de laisser la parole aux femmes qui vont suivre. Et voilà, je vous remercie infiniment d'être là si nombreux et nombreuses ce soir. C'est vraiment trop gai. Merci beaucoup. Mélanie, des Midis de la Poésie. On pensait ouvrir avec Joya, mais Joya a dû s'absenter un petit moment. Donc, comme Sabine l'a dit, tout simplement, les Midis de la Poésie, on a collaboré au hors-série ici pour une double page qui s'intitule « Elle résiste en poésie ». En fait, ça s'est passé, j'essaye de me souvenir comment on en est arrivé là. Et on a eu une séance au Midi de la Poésie le 12 décembre dernier avec Joëlle Sambi, qui fait partie des autrices qui ont fait une proposition pour le magazine, où c'était donc une conférence intitulée « Tu devras te souvenir de cela quand on t'accusera de destruction ». Donc c'était tout un programme proposé par Joël, entre autres sur des auteurs afro-américaines engagées, féministes. Donc au départ, on était parti de Audre Lorde, mais après, elle a étoffé. Et il y en a peut-être certains d'entre vous qui étaient présents au Midi de la Poésie du 12 décembre. Elle était accompagnée de Haru, qui est une autre poétesse, poète, performeuse. Et c'était donc une séance en anglais et en français. Et donc, suite à cela, en discutant avec Sabine, on avait envie de collaborer ensemble. Et donc, on a trouvé cet axe, justement, de proposer à quatre autrices avec qui on collabore au Midi de la Poésie pour différents projets, pour écrire dans le magazine. Et on leur a demandé à chacune de choisir une auteure, une autrice qui compte pour elle et qui rejoint cette thématique du racisme. Et donc, on a demandé à Joëlle Sambi, à Zainep Hamdi, qui est juste ici, présente. Je leur dirai peut-être un petit mot à chaque fois qu'il y en a une. On pensait faire ça en deux temps, donc deux poétesses, et puis une discussion, et puis deux autres pour terminer. Et donc, je dirais que celle qui peut ouvrir le bal, c'est assez libre, éventuellement Milady. Voilà, donc Milady. Voilà. Voilà. Et puis pour ceux qui sont quand même intéressés par les Midis de la Poésie, je vous invite à aller voir la page Facebook, l'Instagram, le site internet. On a des événements toutes les semaines pendant l'année. On a des Midis de la Poésie, vu le nom des Midis, mais aussi des apéros poésie, un peu comme la formule de ce soir. On essaye de faire des événements pour toucher un autre public que celui du Midi, qui n'est pas forcément toujours disponible. Et on organise aussi des petits goûters de la poésie. Ça a lieu à la Bellonne, donc juste derrière. Enfin, tout se fait ici, rue de Flandre, presque. Où ça, c'est des ateliers plutôt participatifs et créatifs autour de la poésie, mais pas que, donc toujours en lien avec les arts de la scène. Donc si ça vous intéresse, c'est plutôt participatif et créatif, avec enfants ou pas d'ailleurs. Voilà. Milady Renoir. Ok. Je vais simplement lire l'introduction du recueil de Yvonne Sterk. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous ont déjà entendu parler de cette poétesse. Parce que j'avais plein de choses à vouloir exprimer, puis en fait, mes mots n'étaient pas aussi bien que la personne qui a fait l'introduction, donc je vais lui piquer ses mots. Et voilà, donc c'est un recueil, il y a plusieurs recueils qui sont sortis, c'était aussi une journaliste, et donc ça va un petit peu expliquer pourquoi je l'ai choisie aussi. Le premier contact d'Yvonne Sterk avec le monde arabe remonte à 1963, quand elle s'aperçut que l'un des monarques des Émirats du Golfe Persique se déclarait poète. Elle lui écrivit et lui recommanda de participer à l'une des rencontres internationales de poètes qui se tenaient à l'époque en bordure de mer en Belgique. L'émir ne vint pas en Europe, mais invita sa correspondante à découvrir les différentes tendances culturelles du monde arabe et l'extraordinaire diversité de paysages que toute la région offre aux visiteurs. De son côté, invité tant à Bagdad qu'à Beyrouth, Yvonne Ster, qui parlera entre autres de la poésie belge et écrira dans des journaux libanais. Les tensions multiples dans tout le Moyen-Orient, où 5 guerres successives ont eu lieu entre Israël et ses voisins depuis 1948, sans compter les luttes d'influence au sein même des partis en cause, ne semèrent que la méfiance et la haine, l'envie, la misère et la mort. Je passe un petit peu plus loin. La guerre ramènera toujours à son utilité, et voici des petits morceaux de texte d'Yvonne Sterk, et puis ensuite je vous lirai 3 poèmes qui m'ont vraiment marqué et vraiment touché. Par rapport à la guerre... On ne reconnaît plus l'ami de l'ennemi, comme le sang versé ressemble au sang versé. Frères, ne pouvez-vous dormir sur le lit rouillé de vos armes ? Nous sommes satisfaits, reposant dans l'octobre, les fruits ont éclaté, la terre humide attend. L'amour aveuglement accomplit sa besogne, et d'un coq égorgé va se nourrir l'enfant. Propulsé à l'actualité d'aujourd'hui, ces pages... de souffre, de colère, de peine, de tendresse, d'amour et d'émeute, sont à la fois celles d'un témoin, d'une actrice engagée dans les événements et d'une poétesse qui rend au fil de la plume non seulement ce que sa sensibilité a pénétré, mais aussi ce qu'elle a tenté de comprendre du conflit et du déluge qui s'est produit sous ses yeux en se déplaçant du Caire à Tel Aviv, de Damas à Naplouse et de Ramallah à Jérusalem et jusque dans les plus petits villages. Yvonne Sterk prit fait et cause en toute conscience pour l'OLP. Ce qui lui vaudra par la suite en Belgique le cordon sanitaire que l'on réserve aux indésirables. Et on va même retirer au fur et à mesure les archives de la Libre Belgique, entre autres, de tout ce que Yvonne Sterk a produit, pour éviter qu'il y ait tout un lien avec l'OLP et la Libre Belgique et la Belgique en général. C'est donc très difficile de trouver des articles d'elle dans les archives et de la Libre Belgique et de la presse en général. Telle est bien la nature profonde de cette poétesse en qui la révolte contre toute injustice a couvé tout au long de sa vie, et en particulier pendant son long séjour au Moyen-Orient, pratiquement non-stop entre 63 et 77. Et une phrase, toute simple, « Je n'ai jamais rien compris au racisme », dit cette ancienne résistante au nazisme qui, enfant, n'a cessé de croiser des ouvriers mineurs de toutes les nationalités dans son Limbourg natal. Et donc j'en ai fini avec la voix de Jean Dumortier, et je vais... essayer de lire un petit peu de la voix d'Yvonne Sterk. Décembre 1975. Le ciel est lourd, il va tomber. De tout ce gris, il va neiger. Bientôt, tout ce poids sera léger. Mais comment faire de la neige et de la pesanteur et de nos jours ? Ce soir, ces pluies de feu ne tombent pas des astres. C'est le phosphore qui embrase la maison d'en face. La peur me jette hors de moi-même et je vais peut-être oublier comment battait le cœur de celle que j'étais. La ville a perdu ses ailes et rampe dans ses égouts. On ne voit plus la lumière, les rats sortent de leurs trous. Même le ciel tombe à terre sous le tir des francs-tireurs. Est-ce l'été ou l'hiver ? Qu'importe à celui qui meurt. Chaque pas semble le dernier, les lauriers cachent les tueurs. Sur la plage traînent des corps doucement léchés par la mer. Elle est morte en tenant son ventre. Ce ne fut qu'un petit soupir. Je la croyais encore vivante en lui caressant les cheveux, que déjà le drap la couvrait, et je ne pouvais pas comprendre pourquoi si vite elle mourait avec un enfant vivant dans le ventre. Est-ce la mer qui va geler dans l'ardeur de juillet ? L'espoir se tient-il souriant au-delà de nos jours entassés de fureur et d'ordures ? Ne nous vienne pas la réponse de la bouche hurlante des morts, que seulement verdisse le figuier et nous pourrons attendre le retour des chardonnays de l'aube. Ce qui reste du ciel est un pan qui s'écroule au milieu des torchis et du camp de Chatila. Dans un gouffre hurlant, ce qui fut le marché n'est plus qu'un abattoir. Mort pour mort. Voici la réponse du croissant à la croix, et Marie va tomber comme ici Fatima. Pour les mouches, le sang est un même régal, sous le soleil ardent qui le noircit déjà. Dans le camp où coule le sang mêlé aux détritus le long des chambres éventrées, une femme portant son enfant mort m'a crié « Dire le mot douleur, c'est vous dire ma vie. » Un autre, plus petit, qui s'appelle Shadi. Le parfum qui jamais ne dort a dit ton nom tout bas. Tu t'es arrêté à la grille. Le jardin était sombre et frais. La nuit était ouverte. Tandis que l'aïeul sous son figuier rechargeait son fusil. Et le dernier, je vous expliquerai rapidement avant de conclure comment j'ai rencontré Yvonne Sterk. Elle était morte, j'étais vivante, mais on s'est quand même rencontrés. Palestinien. Entre Naplouse et Ramallah, il m'a craché à la figure, craché mon nom. Arabe. Mon espoir et ma peine, mon amour, mon combat. Que sait-il, celui-là qui brandit sous son poing le passé aveuglé, armé comme un faucon? Que sait-il, ce soldat des enfants étoyés, souriant à la brise qui déjà s'apprêtait à disperser leurs cendres? Que sait-il des regards de tous les innocents partout assassinés pour la plus juste cause, ces lumières dans l'épouvante, aussi loin que l'on puisse voir dans l'histoire des hommes? Comme hier, comme alors, les voleurs sont toujours les mêmes, et le frère est encore l'assassin. Sans pays, sans maison, sans travail, réfugié en charge de la charité internationale, bonne dame qui mousse à farine au grand moulin du Moyen-Orient, mauvaise graine à écraser. Ils ne mangeront pas de ce pain. Moi, je refuse qu'on me digère, arrosé de champagne aux agapes de l'ONU. Je me lève, je suis debout. Palestinien ! Je suis face avec toi, autre moi de partout, torturé par le même ennemi d'un bout à l'autre de son empire. Et nous crions au maître ganté d'or, nous déchirons la charte qui scelle nos malheurs. Sur les cendres de vos guerres, sur la poussière future de vos fiefs banquiers, sur le parc public de la lune, sur le soleil à partager, nous jurons de triompher. Ramallah, mars 1968. Voilà, et puisque j'avais envie de terminer sur une petite obscénité, j'ai rencontré Yvonne Sterk par mon esthéticienne, qui, pendant qu'elle me retirait certains poils, m'a parlé de sa tante, en fait. Et donc, mon esthéticienne s'appelle Catherine Sterk, je regrette qu'elle ne soit pas là ce soir. Et c'est sa tante. Et Yvonne Sterk lui a transmis énormément de choses. Et Catherine Sterk est une militante engagée auprès des réfugiés aujourd'hui, comme sa fille et comme sa petite-fille. Voilà. Donc on parle de tradition, on parle d'héritage, et voilà. Voilà, donc Yvonne Sterk. Donc j'invite Zaïneb à venir. Zaïneb qui a écrit un premier recueil qui s'appelle « Fils d'Arabe » et qui est paru aux éditions Tétralyre, qui est une petite maison d'édition liégeoise, créée il y a un certain temps déjà. Et elle sera chez Tulitu le 20 mars prochain. Donc voilà, si jamais ça vous dit de revenir voir Zaïneb là avec un de ses recueils « Fils d'Arabe ». Elle sera là avec Alexis Alvarez qui a aussi écrit un nouveau recueil, qui est un chouette poète aussi à découvrir de Liège. Voilà. Merci. Je pensais relire en fait tout simplement aussi bêtement que ça ce que j'avais écrit, peut-être en apportant éventuellement l'un ou l'autre éclairage. Et j'avais trois textes. C'est un peu égocentrique, mais de mon propre recueil à vous lire, si je te retombe sur la page. Voilà. Pour l'anecdote, je crois que je n'ai pas compris le même mémo que les autres auteurs, autrices qui ont écrit dans le magazine. Donc, moi, je suis partie justement de cette... ce n'est pas une citation, c'est un... C'est un extrait, en fait, d'Americana de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une écrivaine jeune, 40 ans, américaine ou plutôt nigérienne, mais qui vit aujourd'hui aux États-Unis. Elle a été mise en lumière il n'y a pas si longtemps par une femme qu'on connaît tous, qui s'appelle Beyoncé. Vous avez dû voir un concert ou une autre chanson où elle a passé un texte de cette autrice assez engagée. Et je voulais reprendre justement quelqu'un qui peut être facilement identifié par de nombreuses personnes sans avoir eu besoin en fait d'être dans le milieu de la littérature, mais je pense que Beyoncé a très bien fait ce travail-là. Je vais relire en fait tout simplement la citation de Chimamanda et puis je lirai rapidement ce que j'ai écrit pour le magazine. Le problème avec les relations interculturelles, c'est qu'on passe un temps fou à se justifier. Mon ex et moi passions des heures entières à nous expliquer. Je me demandais même parfois si nous aurions eu quelque chose à nous dire, si nous avions été originaires du même endroit. Alors pour moi, ce que j'ai écrit, c'est un texte que j'ai appelé, ironiquement, « Senteur d'ailleurs ». Sun gardait une peur secrète au fond d'elle, celle que son amant chéri ne la quitte pour une belle blonde élancée. Tout ce qu'elle, petite, menue, d'origine asiatique ne serait jamais. À chaque blessure du cœur que lui infligeaient ses amours mort-nés, Nour ne remettait en question ni son caractère, ni la relation, mais se disait que les poids de la culture, des origines et de la religion avaient dû être des monstres assez effrayants pour faire fuir ses garçons. Dans les soirées bondées, Louise s'étonnait toujours des hommes qui s'extasiaient sur ses cheveux frisés et la couleur de sa peau. « Tu as un chocolat que l'on aimerait manger. » Elle aurait préféré être simplement une femme plutôt qu'un carré fondant 100% pur cacao. Ensuite, je finis par « Il est plus facile d'entretenir une relation avec quelqu'un que l'on connaît, plutôt que de se frotter à la difficulté, à l'étranger, plutôt que de tâcher d'être l'allié, le socle, l'épée et le bouclier. » Ces trois personnes existent réellement. La première, je ne citerai pas son vrai nom, c'est ma meilleure amie qui est effectivement d'origine asiatique et qui a une peur depuis l'enfance des grandes femmes blondes parce qu'elles ne ressemblent pas à ça et que nous sommes dans une société qui montre à couverture après couverture de magazines, publicité après publicité, de grandes femmes blondes ou brunes aussi. Et je sais qu'elle est terrifiée à l'idée que l'un de ses amoureux puisse lui dire « Je te quitte, mais en plus de ça, je te quitte pour tout ce que tu n'es pas. » Pour les deux autres, Nour est un prénom emprunté, bien évidemment aussi. J'ai déjà discuté avec de jeunes femmes d'origine nord-africaine qui me disaient que c'était parfois difficile pour elles d'entamer des relations avec des hommes blancs. Parce qu'il y a derrière le poids d'une tradition musulmane, il y a le poids de tradition tout court, il y a la famille, il y a ces mariages endogamiques plutôt culturels aujourd'hui qui planent, et qu'on se dit « j'ai pas forcément envie de rentrer là-dedans, alors on va en rester là ». Et puis pour la dernière, c'est un classique, hein, le côté « j'adore les femmes de couleur ». Il y a cette phrase en anglais qui est très raciste, qui dit « once you taste black, you never come back ». Une fois que vous avez testé quelqu'un de couleur, vous n'avez pas envie de revenir en arrière. Et je pense que s'il y en a ici dans la salle, sans doute dû se retrouver face à ce genre de questionnement. J'avais envie aussi d'évoquer la question de l'exotisme, qui est une autre forme du racisme, qui est le fait d'aimer quelqu'un pour sa couleur de peau, pour ses origines, et non pas pour ce qu'il est, sa personnalité. Et puis, cette dernière partie où je dis qu'il est plus facile d'entretenir une relation avec quelqu'un que l'on connaît, c'est bien évidemment une critique. Et en même temps, on se retrouve aussi entre des personnes blanches qui viennent de milieux socialisés, où c'est plus facile de rester avec quelqu'un du même milieu social, qu'il soit aisé ou non d'ailleurs. Or, je pense que quand on entame une relation amoureuse ou affective avec quelqu'un, il ne faut pas lui prendre le micro des mains, il faut plutôt l'aider à avancer comme l'autre peut l'aider aussi à avancer. Et donc, comme je le termine, par plutôt de tâcher d'être l'allié, le socle, l'épée et le bouclier. Voilà, c'était ma brève petite tentative pour le magazine. Alors, je ne suis pas encore rodée non plus à la communication et je n'ai plus d'exemplaires de mon recueil à la maison, donc je ne me félicite pas. Quoi qu'il en soit, je voulais vous lire trois courts textes du recueil qui est sorti l'année passée, donc « Fils d'Arabe », qui se situe dans ce troisième chapitre qui s'appelle aussi « Fils d'Arabe », comme le dernier poème qui s'appelle « Fils d'Arabe », mais je ne vous le lirai pas ce soir. Le premier s'appelle « Fille d'Arabe 2 », car il y en a un, « Fille d'Arabe 1 », et il se termine en disant ceci. « On se calque sur la voisine blanche. » Faire comme les autres en secret. Comme il est difficile de naître dans une société qui prône des choses interdites à la maison. Des petites filles bien rangées, comme des crayons de couleur reçus à l'Aïd. Puis il y en a deux derniers. Le premier s'appelle « Jeune », avec un S et un accent circonflexe sur le U. Ramadan. Sur la place, on joue les prolongations. 23 heures. Encore du temps à tirer sur la paille de ce jus de pomme qui t'avait tant manqué. Il n'y a pas d'odeur de jasmin. juste celle des bagnoles qui tournent autour du vinyle de béton. Il fait chaud, mais jamais comme au bled. Même la moustiquaire te manque, même le vieux matelas jaune synthétique. Pas de fornication, pas de petit lait jusqu'à ce qu'il se couche à l'horizon. Dans 2-3 semaines, on portera nos plus beaux habits du vendredi. Mabrouk. Minuit, pas de you-you pour te souhaiter la belle vie. Et enfin, Média, qui je pense, pour moi, est celui qui résonne le plus pour l'instant. Passé de mode, trop embourgeoisé. Tes petites histoires de crise d'identité, raconte-les à d'autres. Moi, je veux des migrants échoués sur le sable, des attentats, des cités antiques qui crament. N'exagère pas. Tu n'es pas si mal loti. Tu as l'éducation, tu as la raison, toutes les raisons, et un smartphone dernier cri. Voilà. Merci beaucoup. Merci vraiment infiniment à toutes les deux. Et alors, on pensait laisser la parole quelques minutes à Fida Bachir, qui est la présidente de Vie Féminine, qui est donc le mouvement d'éducation permanente féministe qui édite le magazine Axel depuis 20 ans, qui a une histoire bien plus ancienne, évidemment. Mais donc voilà, Fida, je ne sais pas si tu veux réagir ou parler un petit peu d'actualité ou réagir à ce que tu viens d'entendre. Je vais réagir à ce que je viens d'entendre, mais je vais d'abord commencer par, effectivement, comme Sabine l'a dit, donc, le magazine Axel est lié au mouvement Vie Féminine et donc on en est vraiment très, très, très, très, très fiers. Je pense que c'est un magnifique, comme je dis souvent, c'est le plus beau produit fini chaque mois qui arrive et il est là chaque jour. Donc chaque mois, il est vraiment beau et donc on en est vraiment fiers. Mais donc ce que Sabine disait aussi, c'est que le lien avec le mouvement se fait aussi au niveau des contenus, au niveau des thématiques. Et c'est vrai qu'on a été bousculés ces derniers temps en tant que mouvement par rapport à cette question du racisme. Alors la question de la solidarité, elle n'est pas nouvelle. C'est pas une problématique qui est nouvelle dans le mouvement. Depuis les années 50 et 60, le mouvement s'est réorganisé pour accueillir les premières femmes migrantes qui ont accompagné leur mari, l'immigration italienne, l'immigration espagnole ou l'immigration grecque. Et puis après, dans les années 70, on a eu l'immigration marocaine et italienne. Et là aussi, on a pu assister à toute une réorganisation et à l'accueil des femmes, et notamment à la mise sur place de toute une dynamique d'alphabétisation et d'accueil de ces femmes. Et puis plus récemment, on a eu l'accueil de toutes les femmes que vous connaissez, avec la diversité de toutes les nationalités qui sont arrivées. Et donc, cette idée de solidarité entre les femmes, elle a toujours été présente. Ce qui s'est passé il y a quelques temps, c'est qu'on a été confronté au contexte que vous connaissez, qui est un contexte où il y a un vrai retour à la précarité, à la pauvreté, avec des politiques néolibérales et avec les politiques du gouvernement que vous connaissez, qui ont vraiment remis l'accent et cassé un peu les solidarités qui peuvent exister entre les femmes et surtout des classes populaires, que ce soit les femmes qu'on appelle de souche, qui sont fort présentes dans notre mouvement, ou bien des femmes des différentes migrations. Et donc, ça nous a posé question. Et on s'est arrêté pour essayer de voir comment un mouvement comme le nôtre, qui est un mouvement vraiment qui fait un travail de proximité, un travail de terrain avec les femmes des milieux populaires, peut aborder cette question du racisme. Parce que ce qu'on entend dans la société aujourd'hui, le racisme ambiant et les discours qu'on entend à travers les médias, à travers certains élus politiques, eh bien, ils impactent les femmes qui sont chez nous, qui sont dans le mouvement, et donc elles arrivent avec une série de réflexions. Mais en tant que mouvement d'éducation permanente, on ne peut pas se contenter de se dire, bon, ça va passer, il suffit de faire de la solidarité, comme on l'a connu à travers l'histoire du mouvement, pour que ça passe. Donc, on s'est vraiment attaqué au racisme comme système de domination. Et donc, ça allait vraiment dans le sens de notre option féministe, qui est un féminisme articulé avec les trois systèmes de domination, c'est-à-dire avec une volonté de lutter conjointement contre le patriarcat, le racisme et le capitalisme, mais ça reste pas évident dans le travail quotidien avec les femmes. Et donc, pour pouvoir vraiment travailler et solidariser les femmes, pour nous, il y a une évidence, c'est qu'on doit vraiment tenir compte de à la fois des inégalités que vivent les femmes, des divers types des identités multiples qu'il y a dans le mouvement, partir du principe que les femmes ne sont pas égales entre elles, ça c'est vraiment difficile, mais en même temps pouvoir entendre aussi les difficultés de chacune des femmes, que ce soit celles qui sont dans des situations de précarité et qui ne sont pas nécessairement d'immigration, et celles qui vivent des racismes, qui sont parfois dans des situations de précarité ou pas. Donc ça rend vraiment difficile quelque part le travail de terrain, mais c'est un vrai défi. Et nous, on y croit, et donc cette réflexion qui est vraiment prolongée à travers le magazine Axel, pour nous, c'est vraiment une réelle opportunité pour pouvoir, quelque part, continuer à réfléchir au-delà du travail de terrain qu'on peut faire en tant que mouvement d'éducation permanente. Donc ça, c'est vraiment la joie et le plaisir qu'on a à articuler un magazine féministe avec un travail de terrain. Mais je voudrais aussi profiter de cette prise de parole pour remercier l'équipe d'Axel, parce que Sabine a déjà eu l'occasion de remercier les journalistes et toutes les personnes qui ont collaboré à ce magazine. Mais je voudrais aussi remercier l'équipe d'Axel. Et l'équipe d'Axel, contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas une énorme équipe qui a un énorme bureau quelque part. Donc, c'est deux personnes. C'est Sabine Panet, qui est rédactrice en chef, et Stéphanie, qui est quelque part... Voilà, qui est secrétaire de rédaction. Donc, c'est une petite équipe avec plein de collaborations, évidemment, au sein du mouvement, plein de collaborations avec des journalistes externes. Et je voudrais les remercier, profiter pour les remercier. Alors, Sabine m'a parlé de l'importance de dire quelque chose au niveau de l'actualité. Je n'ai pas envie de plomber l'atmosphère. Et je trouve que ça doit rester un moment de fête. Et donc, évidemment, ce qu'on vit, j'ai dit un petit mot tout à l'heure du contexte politique dans lequel on est. Donc, c'est un contexte qui n'est pas évident pour les femmes dont j'ai parlé. Le contexte que vous connaissez aussi par rapport à la politique migratoire, en fait, à la non-politique migratoire, parce que ce qui est là, c'est surtout pour casser les solidarités et pénaliser les solidarités, parce qu'on est plus en train de casser les solidarités qu'en train d'essayer de les construire. Et donc, moi, j'ai surtout envie que ce soit un mauvais moment à passer et qu'on aura plein de belles solidarités d'ici quelques petites années, mais en faisant en sorte qu'on les vit concrètement entre nous, parce que ça, c'est essentiel. Voilà. Merci. Voilà, donc j'invite maintenant Joël Sambi pour continuer la soirée. Ok. Bon, voilà, je ne savais pas trop quoi vous proposer ce soir. On m'a dit qu'il fallait lire un poème. Je me suis dit pourquoi pas, mais en même temps, voilà, parler du racisme, comme ça c'est quelque chose qui me touche personnellement. Je trouve que c'est devenu compliqué aujourd'hui. Avant le racisme, c'était assez simple. On se baladait dans la rue et les gens, ils faisaient ça. Ils disaient, voilà. Il y avait un truc, tu disais, ah ouais, ça, c'est raciste, ça va pas, c'est bizarre. Aussi loin que je me souvienne, quand j'allais en vacances à la mer du Nord, et il y avait des cuistax, et j'étais avec mes frères, mes sœurs, mes tantes. Enfin, c'était un truc, enfin, le village, quoi. On débarquait à la mer du Nord, à Coxide, je me souviens. Et la première chose qu'on faisait en descendant du train, c'est avant d'aller dans la mer, je crois qu'on n'allait pas vraiment dans la mer, mais avant d'y aller, on cherchait les baraka frites, les baraka gaufres et les glaces saveur bamboula. C'est ça la Belgique. J'espère que ça a changé. J'espérais, je suis partie, je suis revenue en Belgique, mais voilà, maintenant c'est devenu plus compliqué. On parle de racisme institutionnel, on parle de racisme d'État en France. Je ne sais pas si ici on en parle vraiment. Je pense que oui. Je pense que, Afida, tu as dit tout à l'heure que tu ne voulais pas plomber l'atmosphère. Le hasard fait bien les choses. Moi, j'ai choisi de parler d'une poétesse qui s'appelle Warsan Shire. Elle est britannico-somalienne. Et elle a écrit, du coup, elle écrit en anglais. Donc, je vous lirai son texte, ses poèmes en anglais. Et elle a parlé, elle parle carrément de camps de concentration, de centres de déportation. Et le poème que je vais vous lire est tiré d'un recueil qui s'intitule « Teaching my mother how to give birth ». Et Zainab, on a parlé tout à l'heure de Chimamanda Ngozi. Ce qui est assez drôle, c'est qu'en fait, Beyoncé, quand elle sort un album, elle a une démarche vis-à-vis des artistes qui ne sont pas dans la lumière, on va dire, qui ne sont pas mainstream. Et donc, son précédent album, c'était avec Chimamanda. Et l'album qu'elle a sorti dernièrement, Lemonade, elle a repris des extraits des poèmes de Warsan Shire. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche, c'est que du coup, la poésie, c'est plus simplement un cercle fermé pour les avertis. On parle de culture populaire, on rend les choses un peu plus mainstream. Et finalement, on porte aussi la parole de ces femmes, cette parole-là nécessaire et qu'il faut entendre. Voilà. Le poème que je vais vous lire s'appelle « Conversation about home at the deportation center ». Well, I think home spat me out. The blackouts and curfew like tongue against loose tooth. God, do you know how difficult is it to talk about the day your own city drag you by the hair, past the old prison, past the school gate, past the burning torso erected on pole-like flags? When I met other like me, I recognized the longing, the missing, the memory of ash on their faces. No one leaves home unless home is a mouth of a shark. I've been carrying the old anthem in my mouth for so long that there's no space for another song, another tongue, or another language. I know a shame that shroud, totally engulfed. I tore up and ate my own passport on an airport hotel. I'm bloated with language I can't afford to forget. They ask me, how did you get there? Can't you see? Can't you see it in my body? The Libyan desert, red, with immigrant bodies. The Gulf of Aden, bloated. The city of Rome, with jackets. I hope the journey meant more than miles because of my children are in the water. I thought the sea was safer than the land. I want to make love, but my hair smells at war and running and running. I want to lay down, but these countries are like uncles who touch you when you are young and asleep. Look at all these borders, foaming at the mouth with bodies broken and desperate. I am the color of the hot sun on my face. My mother's remains were never buried. I spent days and nights in the stomach of truck. I did not come out the same. Sometimes it feels like someone else is wearing my body. I know a few things to be true. I do not know where I'm going. Where I have come from is disappearing. I am unwelcome, and my beauty is not beauty here. My body is burning with the shame of not belonging. My body is longing. I am the scene of memory and the absence of memory. I watch the news and my mouth become a sink full of blood. The lines, the form, the people at the desk, the calling card, the immigration officer, the look on the street, the cold settling deep into my bones, the English classes at night, the distance I am from home. But alhamdulillah, all of this is better than the scent of a woman completely on fire, or a truckload of men who look like my father, pulling out my teeth and my nail, or 14 men between my legs, or gun, or promise, or lie, or his name, or his manhood in my mouth. I hear them say, go home. Yeah, I hear them say, fucking immigrant, fucking refugees. Are they really this ignorant? Do they know that stability is like a lover with a sweet mouth upon your body 1 second? And the next, you are a tremor lying on the floor, covered with in rumble and old currencies, waiting for its return. All I can say is, I once was like you. The apathy, the pity, the ungrateful placement. And now, my home is the mouth of a shark. Now, my home is the barrel of a gun. I'll see you on the other side. Merci. Et enfin, Joya Kayaga, voilà, qui a un petit moment de répit, donc on va en profiter. Bon, je m'excuse d'avoir enfin, pour la petite qui a interrompu un petit peu les lectures. On l'appelle, on la surnomme Whitney Houston, donc vous avez compris pourquoi. Voilà, donc moi j'ai choisi de parler de Leonora Miano, qui est une auteure que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, qui écrit pourtant depuis longtemps. Je suis tombée vraiment par hasard sur un de ses livres, Crépuscule du tourment, et c'est de celui-là que je parle dans Axel, mais j'avais envie de vous lire des extraits d'autres de ses romans. Alors, je vais commencer par celui-ci. Et puis après, je vais lire un texte à moi, mais qui a vraiment été inspiré par la lecture de ce dernier livre, Contour du jour qui vient, qui est le dernier que j'ai lu. Notre valeur ne réside pas dans les métaux des sous-sols auxquels d'autres ont donné une importance que nous ne comprenons toujours pas, que nous ne savons ni cerner ni exploiter pour le bien commun. Ils en fixent le prix et nous l'acceptons parce que cela ne signifie rien pour nous. Ils nous dupent peut-être, mais nous les laissons faire, toujours inaptes à décider quoi que ce soit pour nous-mêmes. Notre valeur n'est pas non plus dans cette mystique dénuée de spiritualité, au travers de laquelle nous prétendons commander aux puissances occultes, sans chercher à nous conformer aux principes supérieurs et universels qui régissent la vie. Notre grandeur viendra de ce que nous saurons engendrer des êtres libres, qu'ils se tiennent debout, qu'ils ne récitent leur longue généalogie que pour mieux regarder devant. Qu'ils disent « je suis parce que j'existe, je récuse l'obscur et réfute la démence comme unique horizon ». Et après qu'ils auront dit combien l'Afrique vaut mieux que ce qu'elle pense d'elle-même, des légions leur emboîteront le pas. Dès demain, mère, même si nous ne sommes plus, toi et moi, que la poussière qu'ils fouleront de leurs pieds, tu vois, je rêve encore, mais c'est parce que j'ai les yeux ouverts sur le champ de nos possibles. Un autre extrait donc du même livre. Je pensais à cette journée, la mine, le troquet, le couvent, notre initiation à la désespérance, notre plongée dans l'absurde. Depuis combien de temps nos jeunes gens ont-ils été kidnappés pour être précipités dans le néant? C'est notre main elle-même qui les y pousse. Les autres ne viennent que profiter de nos désordres. C'est nous qui avons installé les ténèbres dans nos cieux. Ils ne s'élèvent plus sur nos terres que des aubes écarlates. Elles ne précèdent pas le jour, ne faisant que ponctuer l'inlassable répétition des nuits. Et donc le texte suivant, c'est un texte de moi, mais qui est inspiré par ce livre « Contour du jour qui vient » de Leonora Miano, donc. Ce que j'aime vraiment chez cette auteure, je trouve, c'est qu'elle retourne toujours voilà, certaines idées, certaines choses qu'on peut avoir. Et elle se permet d'avoir une parole aussi sur l'Afrique, je trouve, qui est très forte et très, très puissante et surtout très assumée, qui ne se cache pas derrière certains discours qui peuvent être parfois un peu victimisants. Elle assume vraiment pleinement les choses et c'est ce que je trouve très fort chez elle. Donc, un texte de moi maintenant. Je ne pensais pas le lire, je ne l'ai jamais lu, donc je m'excuse si je bafouille un peu. En fait, on m'a demandé pour une revue qui parle d'immigration et d'auteurs issus de l'immigration, d'écrire quelque chose de positif et plutôt de penser voilà, dans l'utopie ou en tout cas dans le futur tel qu'on aimerait l'imaginer. Prenant leurs enfants par la main, elles racontent les temps anciens. Ensemble, ils avancent tranquilles dans la fraîcheur du petit matin. Elle leur raconte hier, l'époque maudite où les hommes mouraient pour rien, l'époque où l'on ne se troublait pas de la souffrance de son prochain, insensible, puisque sa propre vie était depuis longtemps éteinte. Jadis, les fantômes vivaient dans un monde d'images et d'ombres, additionnant les signes sans leur donner de sens, multipliant les nombres. Jadis, les hommes avançaient dans la brume, tristes, aliénés, depuis que leur fortune et leur identité n'existaient plus que sur des morceaux de papier. Aujourd'hui, les femmes bercent de leurs récits cette nouvelle aube. Elles marchent à l'heure où se retire la nuit, la rosée vient d'éclore. Elles disent à leurs petits la résistance autrefois de ceux dont le cœur battait encore, de ces hommes et de ces femmes dont ils sont la descendance, dont ils ont hérité la force. Elles disent le courage de ceux qui se sont acharnés à construire des ponts quand on ne bâtissait plus que des murs, de ceux qui se sont acharnés à chercher des solutions quand plus personne n'envisageait le futur. Elles leur décrivent les hommes d'hier, enfermant leurs frères derrière des grilles, les paroles figées dans les livres, le refus de la magie. La vie sans sève et sans racine, sans plus de mythes ni de rites. Elles racontent, partout sur la planète, les milices, les soldats, les gardiens, les polices. Elles expliquent encore l'impossible, dialogue et la perte de l'équilibre entre les indissociables principes, liés dès l'origine. L'homme et la femme, le nord et le sud, le puissant et le faible, le sombre et le clair, l'Orient et l'Occident, Dieu et la science. Ces principes qui ont oublié qu'ils n'étaient que les deux faces d'une même pièce, qui ont oublié que sans l'autre, aucun des deux ne pouvait être. Quand l'harmonie est rompue, quand l'un prend le dessus, il ne reste plus que des millénaires d'un chaos désolé et confus. Elles avancent vers le soleil qui se lève, patiemment, racontent à leurs enfants autrefois l'argent, les patries, le marché, les chimères, l'amour du sang plus que du sol, les armées, la misère, la folie du pétrole, de l'uranium, des précieuses pierres. Elles portent en elles la mémoire de la terre et des flammes, la rage des bagnards, condamnés et esclaves. Elles se souviennent. Elles se rappellent les frontières imaginaires, les guerres, la mort. Elles se rappellent les déserts et les mers qui charriaient les corps. Elles refusent d'oublier les ressources pillées, les bienfaits pris sans prière et l'amour du faux, la vie souillée, les ancêtres négligés, les indicibles maux. Elles sont les filles des sorcières, de la lune, des rêves, des mots. Elles ont rétabli l'équilibre, calmé les fièvres et apaisé les flots. Sur les cendres encore chaudes de Babylone, elles ont poussé la vengeance et refusé l'opprobre. Avancées, ensemble, vers l'aube, avancées en équilibre sur la corde, elles n'ont plus de pays, retrouvées que la terre leur appartient inlassablement. Elles racontent pour mieux redessiner le contour du jour qui vient. Je pense qu'il y en a une qui me réclame. Merci beaucoup. Du jour qui vient. Merci vraiment, merci à vous toutes pour ce beau moment de poésie qui est comme une rencontre finalement. Et on avait envie pour conclure cette rencontre de discuter et de laisser la parole à Sheima Guelen qui est ici. Donc voilà, tu peux venir à côté. Qui est membre du collectif Kaina, qui peut peut-être nous en dire un mot et qui a publié dans ce magazine hors série une carte blanche sur la question de la solidarité politique. Alors, l'article, en fait, la carte blanche que tu as écrite, Sheima, elle a aussi réagi à un portfolio qu'on publie qui s'appelle « Révéler l'étoffe » d'une photographe qui s'appelle Maya Inès Thuam. Et donc, c'est notamment à propos de ce portfolio, mais aussi en réagissant à la société actuelle par rapport à ta propre expérience, à tes réflexions et à ton travail politique et collectif et militant, que tu as écrit cette carte blanche. Alors, j'aurais aimé te demander un petit mot peut-être sur c'est quoi pour toi, en fait, la solidarité politique ? Je vais peut-être m'asseoir parce que je suis très petite. D'abord, je m'excuse d'avance parce que j'ai eu la mauvaise idée de manger salé avant d'arriver, donc je vais constamment m'hydrater. C'est une grosse question quand même. J'ai combien de minutes, je ne sais pas. La solidarité politique, selon moi, donc moi je reprends la définition de Bell Hooks, que je cite d'ailleurs dans la carte blanche, c'est cette idée d'être prêt à lutter avec d'autres personnes qui ont des oppressions qui ne sont pas les nôtres. Parce qu'entre nous, les problèmes que nous vivons, nous pouvons réfléchir ensemble sur les solutions éventuelles hein, pour travailler. Mais à un moment donné, comme on fait société ensemble avec d'autres personnes, nous avons besoin d'être les uns et les unes à côté des autres. Sinon, à un moment donné, la force, elle n'est pas suffisante. Parce que l'ennemi en face, il est fort puissant. D'ailleurs, Afida les a cités, c'est le patriarcat, c'est le racisme, c'est le capitalisme. Donc face à ces ennemis qui sont hyper puissants, les personnes, les milieux, les groupes qui sont opprimés justement par ces systèmes de domination sont censés se soutenir, selon moi, mutuellement, réciproquement, dans un respect de ce que les autres font. Et ce qui est très important aussi, selon moi, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord sur ce que l'autre porte comme façon de lutter, comme enjeu, comme agenda. On peut en avoir des différents. Mais je pense que pour pouvoir changer la société sur le long terme, je fais partie des gens qui sont optimistes et réalistes à la fois, mais à un moment donné, il faut être aussi un peu optimiste, utopiste, et se dire on peut changer les choses, mais si chacun reste dans son groupe d'appartenance ou dans le groupe dans lequel il se sent à l'aise, on n'arrivera jamais à avancer. Il faut qu'on mette absolument toutes les forces ensemble pour une synergie. Donc voilà, c'est être à l'écoute des différentes oppressions qui sont présentes dans la société. Ici, donc, le racisme, le sexisme, mais aussi le classisme. Mais je pense même, moi, j'élargis encore le spectre. Hein, on en a un peu parlé avec Sabine tout à l'heure. Moi, personnellement, quand je réfléchis au racisme, je suis militante féministe, antiraciste, conteuse, doctorante. Voilà, j'ai plein de casquettes, donc j'ai la possibilité de me trouver dans des milieux différents. Moi, quand on dit racisme, je pense à l'exclusion en général. L'exclusion des uns par les autres. Donc, certaines normes sont là. Et puis, les personnes qui sortent de ces normes-là, on peut penser à l'orientation sexuelle, on peut penser à l'appartenance religieuse, on peut parler au fait d'exprimer sa liberté religieuse en public. Voilà, moi, je prends mon exemple. Hein, c'est l'exemple que je connais le mieux. Je porte un foulard. Donc, toutes ces différences qui nous habitent, je pense qu'elles doivent avoir leur place dans la société. Sinon, quand on accepte l'exclusion des uns et pas l'exclusion des autres, ça manque de logique, il me semble. Donc, je pense qu'on doit être contre toutes les exclusions. Oui, je vais peut-être lire deux secondes un petit extrait d'un article. Donc, tu parlais de Bell Hooks. Donc, pour ce numéro hors série, on avait un comité éditorial. Donc, il y a Stéphanie D'Ambroise, la secrétaire de rédaction, moi-même. Mais il y a eu aussi Noémie Emmanuel et Zaina Assoumani qui sont ici ce soir. Et donc, Noémie a également écrit, elles ont toutes les deux contribué, elles ont écrit des super articles. Et Noémie a écrit un article sur Bell Hooks, justement. Et elle a interviewé Nassira Edjerassi, qui est professeure et qui est spécialiste de Bell Hooks. Et donc, Noémie demande à Nassira Edjerassi, qu'est-ce que la solidarité politique pour Bell Hooks ? Et donc, ça fait vraiment écho à ce que tu viens de dire. Et donc, Nassira Edjerassi répond, pour Bell Hooks, être victime d'une même oppression ne suffit pas pour se rassembler ni pour éviter de reproduire soi-même des dynamiques d'oppression. La véritable solidarité politique, c'est apprendre à lutter contre des oppressions qu'on ne subit pas soi-même. Pour elle, il s'agit de construire de véritables alliances entre les unes et les autres. C'est important parce qu'on a tendance à faire prendre en charge les luttes par celles et ceux qui en sont l'objet, alors que chacun et chacune devrait assumer sa part de travail. Voilà ce qu'elle dit, ça résonne. Et donc avec le collectif Kaina, c'est aussi quelque part ce que vous essayez de faire. Je vais brièvement le présenter aussi. Son histoire est assez longue et chaotique, mais bon, je vais essayer de... On a fait un constat. On a fait le constat que font normalement les personnes, disons, honnêtes, qui veulent lire la société telle que les choses se passent et non pas d'un point de vue idéologique. C'est que dans notre société aujourd'hui, les femmes musulmanes, de confession ou de culture, mais si elles portent le foulard, donc c'est un élément supplémentaire, sont discriminées. Elles sont discriminées dans l'accès à l'emploi, elles sont discriminées dans l'accès à l'enseignement et dans l'espace public en général, elles font face à certains blocages que d'autres personnes ne rencontrent pas. Et puis nous sommes dit, il y aura maintenant, moi j'ai Vie Féminine en face de moi, donc je vais pas du tout incriminer un mouvement comme Vie Féminine qui fait un travail extrêmement important, mais nous nous sommes dit qu'il manquait dans le paysage politique belge, donc dans le paysage militant belge, un féminisme qui se posait comme décolonial, c'est-à-dire qui est en rupture avec une vision hiérarchique du monde où il y aurait une façon de s'émanciper et que les autres femmes voudraient s'émanciper devraient absolument suivre cette voie-là, et que cette réflexion féministe manquait chez les femmes de confession et de culture musulmane également. Donc on a tendance à lutter soit individuellement, soit au sein d'autres collectifs, mais qui ne sont pas féministes. Je pense par exemple au collectif contre l'islamophobie en Belgique. Ce n'est pas un collectif qui se pose comme féministe, mais nous sommes dit, nous avons une réflexion féministe, nous en parlons entre nous, pourquoi est-ce que nous ne nous constituons pas en collectif ? Donc dans un premier temps, ça a été informel. Maintenant, nous sommes en train de nous structurer en ASBL pour que les choses soient plus claires, aillent plus vite. Et clairement, notre féminisme est inclusif. Donc selon nous, tous les droits de toutes les femmes, quelles qu'elles soient, doivent être défendus par toutes les femmes. Et par les hommes également. Mais ce que l'on constate également, un deuxième constat, c'est qu'en général, on réfléchit sur les inégalités entre les hommes et les femmes. Mais les inégalités entre femmes, ou alors les injustices, les inégalités entre peuples, ne sont pas suffisamment réfléchies dans le mouvement féministe en général. Donc on s'est dit, on se lance. Donc il y a le pôle réflexif où justement nous avons aussi des académiques parmi nous. Donc il y a aussi une expertise, il y a des actrices associatives, il y a des militantes donc de terrain, il y a des académiques. Et on se dit, mais comment est-ce qu'on peut faire pour, d'une part, donc le pôle réflexif alimenté par notre réflexion et nos expériences, donc nos témoignages, la pensée féministe en général, mais en même temps agir sur le terrain pour défendre ces femmes-là. Qui, selon nous, ont besoin aussi d'une voix féministe qu'elles peuvent entendre. Donc que le féminisme fasse sens pour ces femmes-là, parce qu'elles sont, on les rencontre, on leur parle. Là, il y a une espèce de, Il y a une espèce de rejet, de méfiance que je peux parfaitement comprendre, puisque quand on écoute le féminisme dominant, médiatisé, largement relayé, et même l'image de la femme musulmane en général, elle est mineure, elle est soumise, il y a un père, un frère ou quoi derrière, la subjectivité disparaît. Et du coup, comme le mouvement féministe dominant ne défend pas ces femmes-là, elle les marginalise, elle les exclut ou elle ne les voit pas, donc le racisme invisible... Qui est également présent dans le numéro, donc Axel en parle également, tout ça fait que ces femmes sont réticentes. Donc l'existence d'un collectif féministe porté par un noyau de femmes de confession et de culture musulmane, ou de culture musulmane, parce qu'il y a aussi des femmes de culture musulmane, mais agnostiques ou athées dans notre équipe, je pense, aidera aussi à introduire la pensée féministe, la sensibilité féministe, chez ces femmes-là également. Parce que comme je le dis dans la conclusion de la carte blanche, on ne sera jamais assez nombreuses et nombreux. Et il faut absolument que cette sensibilité-là, que ces réflexions-là soient présentes dans ces cercles également, chez ces femmes également. Et notre féminisme à nous, il est antiraciste, mais dans le sens politique du terme, collectif du terme. Donc il faut absolument agir contre... l'exclusion de ces femmes-là dans l'enseignement ou ailleurs nourrit le racisme, selon nous. Donc, notre observation, notre réflexion est celle-ci. C'est-à-dire que moins elles sont visibles, plus est alimenté le préjugé qui dit qu'elles sont fainéantes à la maison, dans la cuisine, dans la maison, qu'elles s'intéressent. Mais aussi, quand elles seront visibles, quand elles seront présentes, nous pensons en tant que Karina, que ça permettra aussi de déconstruire ce préjugé qui les touche. Donc un travail au niveau institutionnel, donc interpellation des institutions et des politiques, nous le faisons déjà, mais nous allons le faire de plus en plus. Et aussi au niveau des discours, donc produire un discours féministe par des musulmanes. Et je tiens absolument à le souligner également, ce n'est pas un groupe de féministes islamiques qui relisent le Coran et qui déconstruisent. On n'est pas du tout dans cette optique-là, peut-être plus tard. Parce que je pense, à titre personnel, qu'il faut aussi interpeller les mosquées, interpeller les milieux essentiellement musulmans sur les inégalités qui sont présentes sur place aussi. Mais dans un premier temps, c'est plus par rapport à la société en général, au regard qui est porté sur ces femmes-là, et surtout leur donner la parole. Parce que bien souvent, on parle à leur place, et très rarement, elles ont la parole. Donc, merci. Ça fait peur. Ça fait peur, enfin, bois. Merci. Je vais boire un coup. Non, merci, oui. Shaima, tu dis, les femmes ont rarement la parole. Il faut... enfin, nous, c'est un peu ça qu'on essaie de faire à Axel. Enfin, un peu beaucoup, tous les mois, c'est de donner la parole. Je ne sais pas si vous connaissez les chiffres, les derniers chiffres des études de l'Association des journalistes professionnels. Dans la presse écrite, les femmes en Belgique francophone... Bon, allez, les femmes en Belgique sont 51%. Plus ou moins. À votre avis, est-ce qu'elle représente à peu près la moitié des infos dans la presse? Est-ce que vous avez une idée du chiffre? Ouais, 18. Donc l'info donne à voir, disons, 18% de femmes. 9%, les femmes sont 9% des experts. Hein, donc l'expertise, elle est masculine, elle est féminine, mais aussi elle est blanche. Ça, c'est ce qui ressort vraiment très fort. Et donc, les femmes, déjà, sont nulle part, mais les femmes qui ne sont pas blanches ou considérées comme blanches, hein, je reprends les catégories de l'étude de l'HIP, sont absolument invisibles dans la presse. Et donc, une réponse en démocratie, c'est les médias. Et donc, nous, c'est à notre échelle ce qu'on essaie de faire tous les mois dans Axel, mais en particulier dans ce numéro. Mais il faut dire les choses positives aussi qui se passent. Hein. Je pense par exemple à cette initiative de l'Association des journalistes professionnels, je pense. Parce que j'ai l'habitude de dire l'AJP, donc le développement, je pense que c'est ça. Ils ont collaboré pour la création d'un site expertalia.be. C'est un site sur lequel justement les médias et les journalistes, quand ils sont à la recherche d'une expertise, peuvent aller sur ce site internet et trouver des femmes, peu importe qui elles sont, peu importe leurs origines, leur nationalité, etc. Mais aussi des hommes issus de l'immigration, donc avec des origines d'ailleurs. et toutes les femmes, y compris celles qui sont, pour reprendre une catégorie qui existe dans la réflexion féministe et antiraciste, les femmes racisées. Et je le sais parce que je suis sur Expertalia, par rapport à la question des féminismes, par exemple. Je trouve que c'est génial parce que sans une plateforme comme celle-là, à part des cercles limités comme celui-ci, excusez-moi, je vous traite de limité, c'est juste que voilà, le nombre de personnes atteint ici, même si vous êtes sûrement magnifiques et géniaux, chacun à chacune, c'est quand même assez petit. Mais quand on est sur une plateforme comme celle-là, mais des tas de personnes, des milieux peuvent faire appel à vous, des journalistes, et puis vous êtes visibilisés. Parce que l'invisibilisation nourrit le racisme. Donc en fait, tout est extrêmement lié, raison pour laquelle il faut mener la lutte antiraciste et féministe en même temps. Parce que les oppressions se nourrissent les unes les autres. Et pour les personnes qui seraient intéressées, en 2016, l'ENAR, donc E-N-A-R, c'est le réseau européen de lutte contre le racisme. Je pense que c'est un réseau qui... c'est un réseau, donc ils sont plusieurs. Donc il y a plusieurs associations antiracistes qui font un travail de terrain, qui a fait un rapport sur la situation des femmes de confession musulmane en Europe. Et voilà, tout ce que j'ai développé tout à l'heure y est. Et c'est pas... c'est un organe auquel on peut faire confiance, donc ça a été fait correctement, etc. C'est révoltant, en fait. Moi, en tant que personne humaine avant tout, mais en tant que féministe également, je trouve que c'est complètement insupportable que des femmes soient exclues d'espaces que l'on qualifie quand même d'émancipation par excellence, qui sont censés être d'émancipation, l'école. Moi, j'ai des amis, par exemple, qui ont du mal à aller s'asseoir et boire un café dans certains cafés, dans certains restos, parce qu'elles ne savent pas comment on va les regarder. Donc c'est intériorisé, il y a une espèce d'autocensure d'aller dans certains espaces. Donc je pense que, oui, nous avons une réflexion féministe et antiraciste, mais les personnes qui sont dans les catégories dominantes, qui n'ont pas ce type de réflexion, peu importe où ils vont, doivent également y réfléchir sans vouloir incriminer les personnes. Hein. Je pense en général, il faut se poser la question de savoir pourquoi ces gens se sentent comme ça. Conclure, Shaima, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux pointer dans le magazine? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as remarqué ou quelque chose qui t'a étonné? Ou est-ce qu'il y a une chose voilà, que tu as envie de retenir du magazine? Je te surprends un peu, en fait. Oui, hein. Oui. Je suis désolée. En fait, même cet échange, on l'a décidé 5 minutes avant. Quoi. On l'avait préparé. Oui, mais oui. Voilà. La formule a été un peu... Voilà, dernière minute. Moi, j'attends les actes, parce que c'est vrai qu'écrire est un acte, se rassembler ici est un acte, mais le jour où nous, en tant que Kaina, ou des groupes afroféministes, par exemple, ou des groupes féministes LGBT ou autres, mènent des luttes, je veux nous voir les uns et les unes à côté des autres. Et moi, je veux pouvoir être aussi dans une lutte qui n'a pas comme revendication, par exemple, la liberté de se vêtir comme je le veux, c'est une revendication que je porte. Je veux pouvoir ne pas sentir de racisme dans ces milieux-là. Et idem, une personne qui n'est pas d'orientation sexuelle hétéro, en ma présence, parce que je suis de confession musulmane, ne doit pas se sentir mal à l'aise. Mais tout ça, je pense que ça arrive en se frottant les uns aux autres, justement en changeant un peu de logiciel, en se disant « il faut qu'on se mette ensemble contre tous les types d'exclusion ». Donc j'attends les actes. Merci. Voilà. Ben, je nous invite à nous frotter dans un espace plus réduit, qui est celui de la librairie Tulitu, où on aura le plaisir de vous offrir un petit verre. Et alors, n'hésitez pas à nous poser des questions sur le magazine. Je ne suis pas toute seule à pouvoir répondre à vos questions sur le magazine. Voilà, on est toute une petite équipe et ce sera gai de pouvoir discuter de façon un peu plus informelle. Ben, voilà. Merci beaucoup.